Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Je pense qu'il y a, un double mouvement de sortie de la voiture thermique dont on parlait beaucoup dans les années 2020 avec des objectifs à 2030. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais les politiques ont fini par prendre un petit peu leurs responsabilités là-dessus et à contrer le lobby du tout voiture qui était quand même extrêmement puissant en Europe, qui venait d'un passé industriel quand même très fort. En parallèle, les gens ont aussi poussé, la société civile finalement a aussi poussé pour plus de vélos dans le quotidien, plus de vélos voyage. C'était presque un peu bizarre de voyager à vélo à l'époque, tu te souviens, c'était vraiment le dernier des hippies, quoi. Aujourd'hui, voyager à vélo, ça fait partie intégrante de la façon de voyager des gens, voyager plus local, etc. Donc il y a eu un petit peu ce double mouvement avec un plan national vélo et marche, parce que les deux aspects vont aussi ensemble, qui a été très ambitieux, qui a été porté et qui a porté ses fruits en fait, et qui a eu des répercussions en termes de santé publique qui ont été énormes. L'État a fait des économies, mais c'est démentiel. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.